La web radio du Printemps des Arts de Monte Carlo vous invite dans la discothèque du chef d'orchestre Pascal Roffet. Bien, alors cette discothèque, elle est évidemment liée à mes premiers contacts directs avec la musique classique. Étant issu d'un milieu où la musique classique n'existait pas, j'ai été, comme beaucoup de musiciens de ma génération d'ailleurs, en contact avec le mouvement fort musical de l'époque, le plus présent en tout cas, qui était le hard rock. Donc c'est vrai que quand j'ai eu 10-11 ans, je rêvais d'être batteur de rock et j'écoutais Led Zeppelin, Deep Purple, Status Quo, Alice Cooper, et je ne connaissais pas du tout, je ne savais même pas que la musique classique existait. Donc mes premiers chocs musicaux étaient ceci, avec une musique qui était évidemment non pas acoustique mais électronique, amplifiée généralement, et avec un niveau de décibels plutôt élevé, parce qu'il y avait une intensité, une énergie qui transpirait dans ce répertoire-là. And it's whispered that soon, if we all call the tune, then the piper will lead us to reason, and a new day will dawn for those who stand long, and the forests will echo with laughter. Oh. stairway to heaven. Le choc suivant, ça a été assez simple. C'est le moment où, à l'école, j'avais 11 ans, on m'a mis une flûte à bec dans les mains. Ce qui se faisait à l'époque en 6e. Et c'est vrai que du jour où j'ai eu une flûte à bec entre les mains, je n'ai eu de cesse d'en jouer. Et je me souviens parfaitement bien, la première chose que j'ai réussi à jouer à peu près correctement, c'était « Jésus que ma joie demeure », le fameux choral de Bach, que j'ai dû jouer en boucle, et je ne sais pas comment mes parents ont dû supporter ça, pendant quelques années. Et ça m'a amené de façon naturelle à la flûte traversière que j'ai débutée à l'âge de 14 ans. Et c'est vraiment à ce moment-là que le premier contact avec la musique classique, avec la grande musique, s'est fait pour moi. Et probablement au travers d'un concert où j'ai dû aller, sans je m'en souvienne vraiment, mais ce dont je me souviens parfaitement, c'était la 9e de Beethoven, et ce dont je me souviens parfaitement, c'est, vous savez, entre ce moment où l'orchestre, les musiciens, jouent pour eux-mêmes, s'échauffent avant de commencer le concert, donc font du bruit de façon personnelle et individuelle au sein du groupe. Et puis il y a ce moment magique où l'A du hautbois émerge, tout semble prendre de l'ordre, et ce moment d'autant plus magique dans la 9e de Beethoven que c'est exactement les mêmes notes qui sont au début de cette symphonie, et qu'on ne sait plus très bien où est le moment où la symphonie commence. Et en tout cas, moi, c'est un des principaux souvenirs que j'ai de cet instant-là, c'est que je me suis dit entendre un groupe formidable de musiciens qui jouaient tout d'abord chacun pour eux, puis il y a eu ce signal du la donné par le hautbois, et puis la symphonie a commencé sans même que je m'en rende compte. Et ça a été pour moi un moment extrêmement intense et très très frappant. Thank you. Je ne savais pas à ce moment-là quelle allait être la portée de l'écoute de cette version-là, notamment de la 9e de Beethoven, dirigée par Norrington, sur ce qu'allait devenir ma culture et aussi ma personnalité musicale. Mais j'y reviendrai un tout petit peu plus tard. Il est vrai que à partir de ce moment-là, je me suis engouffré dans la musique, d'ailleurs sans vraiment sans vrai déterminisme. Enfin, j'ai été embarqué par la musique que j'ai rencontrée à ce moment-là, et j'ai plus tellement réfléchi. C'est-à-dire que je n'ai fait que travailler, apprendre. Je faisais beaucoup de flûte. Alors il y avait à l'époque des limites d'âge qui étaient assez contraignantes au Conservatoire de Paris. Comme j'avais commencé très tard, je ne pouvais pas rentrer au Conservatoire de Paris, mais j'étais accueilli par Roger Bourdin à Versailles, qui était un flûtiste extraordinaire. Vous savez, le fameux Paris s'éveille de Dutronc était une improvisation qu'il a faite alors qu'il croisait Jacques Dutronc dans les couloirs à Radio France, et que ça s'est fait sur l'instant, et que c'était une chose absolument géniale. C'est un musicien extrêmement doué, un merveilleux flûtiste, et je l'ai approché les quelques dernières années de sa vie, et j'ai eu cette chance-là à Versailles. Donc j'ai fait beaucoup de flûte, et puis il est vrai qu'à un moment, je me suis retrouvé un tout petit peu limité à une seule ligne mélodique à la fois, et j'ai eu envie de mettre le nez dans des partitions d'orchestre. Et c'est là que, naturellement, se sont imposées les classes d'analyse, tout d'abord au Conservatoire de Versailles, et surtout j'ai eu la chance de rentrer assez vite, je ne sais pas très bien comment d'ailleurs, dans la classe d'analyse de Betty Jolas au Conservatoire de Paris. Et là, un monde entier s'est ouvert à moi. Je me suis retrouvé d'abord au contact avec des compositeurs, pas des interprètes, pas des flûtistes, pas des pianistes, mais des compositeurs, des gens qui essayaient de réfléchir au matériau musical, à ce qu'on peut transmettre via ce matériau musical, et qui réfléchissaient à ça ensemble. Et cette classe a été pour moi un vrai bouillon de culture. Alors, avec des excès tous azimuts. Quand je dis bouillon de culture, je veux dire par là que nous écoutions à la fois ceci, c'est-à-dire des musiques de Spike Jonze qui servaient à colorer les dessins animés que nous regardions à la télévision. Ces chefs-d'œuvre d'orchestration et surtout de qualité, de facture et de réalisation instrumentale, quand on sait que ces enregistrements étaient faits d'une seule prise, et ça nous fascinait. Alors à la fois nous étions fascinés et nous amusions de cette écoute-là, mais également nous allions très religieusement, et ça d'ailleurs à l'initiative de Betsy, nous lui en sommes toujours tous très reconnaissants, nous allions très religieusement écouter les concerts de l'itinéraire consacrés à la musique spectrale, et notamment à la musique de Gérard Griset, que j'ai eu le privilège de rencontrer et avec qui j'ai travaillé ensuite. Alors l'écoute de la musique de Griset et de toute cette école spectrale a été également a eu de nombreuses répercussions sur mes goûts, mes envies et mes choix musicaux. Il est vrai que cette introspection du son qui est générée par l'écoute de cette musique-là, c'est-à-dire on a vraiment l'impression de rentrer dans l'analyse du son total, de décortiquer les spectres harmoniques de ce qu'on entend, m'a permis de prendre beaucoup de recul et notamment sur par exemple, la 9e symphonie que nous écoutions tout à l'heure, et sur la façon d'aborder ce répertoire-là, tant sur le thème sur l'idée de la dynamique que de l'articulation, que des phrasés, que des intensités. Et il est vrai que cette version de Norrington qui a été qui nous a tous énormément interpellés parce que tout d'un coup, d'abord il respectait les tempi imprimés et demandé par Beethoven. Beethoven a quand même pris un temps énorme dans sa vie pour justement bien annoter des références métronomiques. Je pense que c'est pas pour qu'on ne les respecte pas, ou en tout cas qu'on n'essaye pas de s'en approcher. Il a fait jouer des corps naturels, des instruments naturels, des timbales avec des peaux naturelles et des baguettes de bois telles que souhaitées. Et tout ceci m'a en tout cas donné beaucoup à réfléchir sur la façon d'écouter et d'approcher cette musique-là. Et c'est peut-être comme ça que petit à petit j'ai basculé vers l'envie et le besoin de diriger. J'avais déjà un petit peu commencé à diriger des petits ensembles de musique de chambre ou des choses dans lesquelles je jouais en tant que flûtiste. Mais au contact de ces compositeurs qui eux aussi avaient envie d'être joués, et né le besoin de diriger et donc de prendre la direction artistique d'un projet musical à plusieurs. Et c'est comme ça, et peut-être à partir de cette classe-là et de ces écoutes-là, qu'est venue cette nécessité pour moi de travailler et d'avancer vers la direction d'orchestre, et donc de préparer la classe de direction d'orchestre, puis les concours de direction et tout ce qui s'en est suivi. Alors voici à peu près ce qui se passe 27 ans après cette décision-là. Vous voyez, là, en l'occurrence, c'était avec l'Orchestre national des Pays de la Loire au Japon, l'année dernière. Il est clair que durant cette classe d'analyse au Conservatoire de Paris, ça a été pour moi l'occasion de constituer ma bibliothèque musicale. Et je me souviendrai toujours que les trois premières partitions que j'ai achetées, au début d'ailleurs de cette classe d'analyse, les trois premières partitions d'orchestre que j'ai achetées, c'était la 9e de Beethoven, le Sacre du Printemps et le Marteau 100 mètres de Boulez. Donc tout ça était déjà gravé quelque part. Et il est vrai que, alors après les études de direction d'orchestre, Conservatoire de Paris, un concours à Besançon, un peu de chance pour arriver en finale, vous savez, tout ça, ça veut pas dire grand-chose en fin de compte, parce que les concours ne veulent jamais dire grand-chose. Mais j'ai eu par contre le privilège d'être pris comme assistant à l'Ensemble Intercontemporain, à l'époque où David Robertson était directeur musical et Pierre Boulez évidemment était toujours là et bien là. Et c'est à cette occasion-là que, et c'est quelques années de pur bonheur au sein de l'ensemble, où là j'ai eu la chance de rencontrer non seulement Pierre Boulez bien sûr, mais Ligeti, Berio, Messiaen évidemment, donc tous ces grands compositeurs, et je n'ai fait que de profiter d'aller à toutes les productions dirigées par Pierre Boulez pour aller écouter et rencontrer et les voir travailler ensemble, voir Messiaen travailler avec Boulez, voir Ligeti, voir Pierre enregistrer la première version du concerto de violon de Ligeti, donc toutes ces rencontres qui ont évidemment qui m'ont imprégné et m'ont, je l'espère en tout cas, enrichi tout au long de ce parcours-là, avec l'ensemble qui a continué, puisque j'ai continué pendant de nombreuses années à les diriger. C'est d'ailleurs toujours un tout petit peu ma famille. J'ai beaucoup d'affection pour l'Ensemble Intercontemporain et j'ai passé de nombreuses années à leur côté. Alors, comme je le disais, cette période extrêmement faste dans le domaine des rencontres l'était aussi pour ce qui est des interprètes, parce que à cette époque, au sein de l'Ensemble Intercontemporain, vous aviez des musiciens tels que Florent Beaufard, Jean-Guyenne Queyras ou Pierre-Laurent Aymard. Et d'ailleurs, je n'ai jamais cessé d'être en contact avec ces interprètes et ils me font toujours l'amitié de venir travailler avec moi dès qu'ils en ont la possibilité et l'occasion. Le chef d'orchestre Pascal Roffet présente sa discothèque à la web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo. Naturellement, la suite, c'est la rencontre avec Pierre Boulez, la rencontre surtout la confiance, parce que, évidemment, j'étais un tout petit chef débutant, mais Pierre a toujours été très encourageant et a toujours été bienveillant à l'égard des jeunes, je dirais, des jeunes débutants. Et il est vrai que, alors il ne le fait pas, il ne l'a pas fait tout le temps, mais très, très souvent en début de carrière, quand il était question de chercher un chef pour diriger sa musique, ben quelquefois il m'a proposé, comme d'autres d'ailleurs, il y avait Peter Edvesh, il y avait David Robertson, il y en a bien d'autres évidemment, mais disons que j'ai plus... faire partie de ceux qui ont bénéficié de sa bienveillance à cet égard. Et c'était merveilleux parce qu'évidemment, ça m'a permis, grâce à cela, d'approcher un répertoire dont on pense au début qu'il est extrêmement complexe, voire abscon, voire fermé, clos sur lui-même, et on découvre en fin de compte une musique d'une immense générosité, une personnalité d'une immense générosité, et surtout un langage d'une totale sensualité, d'une totale expression permanente, et d'un grand lyrisme. Et l'œuvre que nous allons écouter maintenant en est peut-être un des signes les plus clairs et les plus évidents. Alors, on comprend très bien comment cette musique est arrivée jusque-là, via évidemment la culture particulière à l'oreille de Pierre Boulez et à son travail, et évidemment aux années 50, à Darmstadt, à tout ce qui s'est passé. Mais à la fois, tout ceci remonte aussi aux Trois Viennois, au début du XXe siècle, à cette époque où la musique a bouillonné et où la musique est partie explorer tous les territoires et dans beaucoup de directions, d'ailleurs. Mais pour ce qui est du lyrisme pur, la parenté et la filiation avec les Viennois est une trajectoire absolument évidente, en tout cas à mes oreilles. Thank you. Donc au moment où j'étais envahi par tout le répertoire de ce début du XXe siècle, vous voyez ce grand lyrisme qui aura des répercussions, comme on l'a vu après les années 50 chez Boulez, cette onctuosité, cette richesse harmonique, cette volupté. Évidemment, en parallèle à tout ceci, est venu se greffer toute la culture du répertoire français, à commencer évidemment à partir de Berlioz, mais surtout à commencer par Debussy, Ravel et Honegger et tous ceux qui ont suivi, et même probablement jusque Roussel, dont on néglige parfois l'importance d'ailleurs. Il est vrai que ce répertoire français, purement beaucoup plus transparent, beaucoup plus riche dans sa façon d'explorer l'intérieur de l'orchestre et tous les recoins de l'orchestration, toute la palette de couleurs disponibles, m'a beaucoup enrichi, m'a beaucoup apporté dans mes choix de répertoire et dans mes envies. Et il est vrai que lorsqu'on écoute une œuvre aussi proche d'un poème de Mallarmé que le prélude à la prévision d'un faune, on obtient quelque chose qui est loin d'être abstrait, qui est loin d'être une musique romantique ou post-expressionniste, mais qui est quelque chose de très particulier et très pur dans le sens esthétique. Et c'est ce qui m'a d'ailleurs accompagné pendant de nombreuses années, c'est-à-dire la pureté de ses choix esthétiques et de la façon dont et l'harmonie et la texture, et notamment à l'orchestre, est traitée par Debussy. Et ça nous emmène évidemment sur quasiment 100 ans d'histoire de la musique à venir. Alors vous voyez, on est dans une musique suspendue. J'en parlais tout à l'heure, je parlais du côté aérien de l'orchestration, du traitement harmonique, mais le temps aussi est suspendu parfois dans cette musique-là. Et l'objet en lui-même, Prélude à la Prélude et l'Infaune, est une chose extrêmement particulière que vraiment j'aime beaucoup parce que le temps de vie est suspendu dans cette partition. Alors, évidemment, je suis un homme d'orchestre, mais ça n'empêche pas les sentiments. Et il est vrai que chez Debussy, mais comme chez d'autres, comme chez Ravel, mais même comme chez Beethoven, on pourra en reparler plus tard, mais le traitement en musique de chambre a eu aussi beaucoup d'importance pour mon parcours musical personnel, c'est-à-dire que l'écoute, et notamment des instruments à cordes, en groupe resserré, par rapport à un effectif d'orchestre, évidemment, apporte une qualité d'oreille très très particulière et probablement indispensable à un chef d'orchestre. Vous êtes dans la discothèque du chef d'orchestre Pascal Roffé sur la web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo. Thank you. Évidemment, il y a dans les quatuors à cordes, ou d'ailleurs la plupart des ensembles de musique de chambre constitués, quelque chose d'intimement organique qu'il est parfois difficile à restituer à l'orchestre. C'est-à-dire quand vous avez 50 ou 60 cordes, il faut tendre à cela. C'est-à-dire il faut tendre à cette cohésion, à cette cohérence et à cette cohésion, autant humaine qu'instrumentale. Alors évidemment, le chef d'orchestre a des outils pour ça. Il travaille sur les coups d'archet, il travaille avec les solistes qu'il a en face de lui pour évidemment faire que le groupe tende à cette cohésion-là. C'est pas toujours un travail facile, et c'est vrai que l'écoute régulière de musique de chambre, et d'ailleurs pour les musiciens d'orchestre qui vous confirmeront la même chose, la pratique de la musique de chambre est un des éléments très très importants pour la construction de ce que peut être un orchestre en tant qu'entité ultra cohérente malgré le nombre. Voilà. Donc en ce sens-là, j'aime beaucoup écouter de la musique de chambre, alors que ce soit du quatuor ou des formations un tout petit peu plus grandes. Et je me souviens, à l'époque où d'ailleurs je faisais beaucoup de flûte, d'une œuvre que j'ai beaucoup jouée moi-même, d'un compositeur pas très éloigné de Debussy, puisqu'il s'agit de Ravel. C'est son fameux Septuor, intitulé Introduction à Allegro pour flûte, clarinette, harpe et quatuor à cordes, ou plutôt dans l'ordre harpe, flûte, clarinette et quatuor à cordes, puisque la harpe a quand même un rôle prédominant. Et c'est une œuvre, bien évidemment, de musique de chambre, mais c'est une formation assez atypique. Donc le groupe doit se rendre cohérent de façon, spontanée, et en tout cas de façon inhabituelle. Et à la fois, c'est une œuvre qui déjà parle d'orchestre. C'est une œuvre qui déjà parle d'orchestration, qui déjà n'est plus de la musique de chambre, mais est presque un petit orchestre. Et c'est pour ça que j'ai toujours eu beaucoup d'affection pour cette œuvre. Et en plus, elle est d'une très grande beauté, d'une très grande lyrisme, d'une très grande transparence, d'une très grande luminosité. Thank you. Parlant de cet enregistrement, j'ai une affection particulière parce qu'il se trouve que c'est Christian Lardet qui joue de la flûte et il a été mon professeur de flûte quelques années et j'ai appris beaucoup de choses avec lui, notamment sur le timbre et la couleur et la richesse de cette sonorité purement française, notamment chez le flûtiste qui ont travaillé avec Christian Lardet ou Jean-Pierre Rampal, enfin toute cette grande école de flûte française. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve parfois dans le monde, à travers des interprètes et des flûtistes français, d'ailleurs, qui occupent des postes importants dans de grands orchestres sur la planète. Voilà. J'aimerais vous montrer une trajectoire directe, c'est-à-dire qu'on va sauter une petite trentaine d'années, même une bonne trentaine d'années, pour basculer chez un compositeur que j'ai souvent rencontré, que évidemment j'admire infiniment, que j'ai beaucoup dirigé, dans une de ses œuvres dont vous verrez qu'elle n'est pas si éloignée de ce que vous venez d'entendre. Le chef d'orchestre Pascal Roffet présente sa discothèque à la web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo. Thank you. Thank you. Il s'agissait là du second mouvement du ballet Le Loup d'Henri Dutilleux, du jeune Henri Dutilleux, qui est une œuvre dont on voit très clairement la filiation avec tout ce qui s'est passé au préalable, c'est-à-dire tout ce lyrisme dont nous parlions, cette transparence, cette couleur française, cette idée. Vous savez, moi je me suis toujours posé la question, en fin de compte, de savoir pourquoi la musique française avait les spécificités qu'elle a. Et j'ai peut-être un petit début d'explication. Et alors je vous le confie, mais rien qu'à vous. Il y a quelque chose dans notre façon d'apprendre la musique en France qui est unique et qui n'existe pas de la même façon dans les autres pays, en tout cas ceux qui nous environnent. Lorsque nous commençons à travailler ce qu'on en appelle l'harmonie, c'est-à-dire l'écriture, à apprendre à écrire des accords, à enchaîner des accords, à enchaîner de l'harmonie, en France, on nous interdit, mais on nous interdit de le faire au piano. Et on nous oblige à cultiver une écoute, une audition interne de ce qu'on lit, c'est-à-dire de se créer l'image de ce que l'on écrit à l'intérieur de notre tête, par une oreille interne, et non par une écoute directe au piano. Et ça, nous sommes quasiment les seuls à faire cela. Et c'est peut-être un début d'explication au fait que la musique française, mais je vous dis, depuis Berlioz, et peut-être Rameau d'ailleurs, mais je ne sais pas comment Rameau apprenait le solfège, mais en tout cas, au XXe siècle, les compositeurs français ont peut-être, à la différence des autres, cette capacité à cultiver et à développer une oreille interne différente. Simplement, je ne dis pas que c'est mieux ou c'est moins bien, je dis simplement que c'est différent. Et que du coup, le résultat a cette particularité qu'a la musique française, à avoir une énorme qualité d'écoute intérieure et d'écoute interne qui fait que tous les plans et tous les détails sont là, ils sont entendus et sont identifiés comme tels. Alors voilà, c'est peut-être pas la seule explication, il y a évidemment plein de nombreuses autres possibilités, de nombreuses autres choses qui rentrent en ligne de compte, comme évidemment la culture française, le mode de vie, tout ce qui fait qu'un Français est français, ou en tout cas qu'un Européen de la France est ce qu'il est. Mais je pense que dans la façon dont on apprend la musique en France, il y a cette particularité-là et cette capacité à cultiver l'oreille interne, qui, d'ailleurs, je dois le reconnaître, pour un chef d'orchestre, s'avère assez pratique après, parce que vous n'avez pas besoin de travailler vos partitions au piano. Moi, mes partitions, je les travaille à la table, comme simplement devant une table. Je n'ai pas besoin d'un piano ni quoi que ce soit pour me faire une idée de la partition au moment où je la lis. Alors, à l'opposé de ce monde-là, il y a peut-être un autre monde que j'adore également et pour lequel j'ai une passion sans limite, parce que la texture orchestrale est d'une richesse et d'une densité tellement riche et tellement forte qu'un chef d'orchestre ne peut pas se priver de ce répertoire-là, surtout lorsque c'est interprété par un chef comme celui que vous allez entendre maintenant. Évidemment, je parle de Wagner et de ce langage, de cette dialectique musicale si particulière et si forte. Thank you. Vous voyez, c'est ça qui est passionnant dans la direction d'orchestre, c'est la chance de pouvoir explorer ces territoires, si différents soient-ils, et de passer d'une semaine à l'autre, ou même d'une œuvre à l'autre, d'un monde à l'autre. Et parfois, c'est très éprouvant, parce que ça nous oblige nous-mêmes à changer dans la façon tout simplement d'être, et notamment face à l'orchestre, pour un chef d'orchestre, mais ça nous enrichit en permanence, c'est-à-dire que tous ces répertoires et toute cette texture, toute cette richesse-là est tellement communicante et tellement puissante, je dirais. Je n'ai pas d'autre mot que celui-ci, en tout cas particulièrement pour Wagner. Alors j'aimerais continuer un petit peu mon compte à rebours et ma remontée dans le temps, parce que parfois on a des images d'Épinal à l'esprit, en se disant voilà, alors un chef d'orchestre qui aime Boulez pourrait ne pas aimer tel répertoire. Moi je vais vous soumettre quelque chose à l'instant que j'aime infiniment, qui a rempli mon temps musical de nombreuses années pendant mes études, encore maintenant, mais peut-être moins parce que je suis principalement occupé par l'orchestre, mais je voudrais vous faire partager cette musique-là que vous connaissez très très bien, évidemment, et par un interprète absolument hors pair. Vous êtes dans la discothèque du chef d'orchestre Pascal Roffet sur la web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo. La capacité qu'a Chopin à nous entraîner dans un épuisement émotionnel et me fascine à chaque instant, je dois dire. Et alors évidemment, dans le cas de cet enregistrement-ci, c'est également le pianiste, l'immense Maurizio Pollini, dont moi j'ai beaucoup de souvenirs parce qu'il se trouve qu'il était très ami avec Pierre Boulez et qu'il venait très souvent avec Pierre Boulez à l'Orchestre de Paris, à l'époque où moi j'étais étudiant au Conservatoire de Paris. Pour l'anecdote, je me souviens que à l'époque, alors je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, mais les étudiants du Conservatoire de Paris avaient le droit à un certain nombre de billets gratuits par concert de l'Orchestre de Paris ou de l'Opéra. Et donc je m'étais fait nommer membre du bureau des étudiants du conservatoire pour rafler les places, le premier en tout cas, pour l'Orchestre de Paris et l'Opéra. Et je passais mes semaines à aller écouter, évidemment, l'Orchestre de Paris et très souvent dirigé par Boulez, et non moins très souvent par Paulini. J'ai un très grand souvenir, notamment du concerto que vous allez entendre maintenant, par Paulini, à l'époque en concert dirigé par Boulez, mais là, cette fois-ci, dirigé au disque par Claudio Abbado. Thank you. Alors vous voyez, en fin de compte, si on regarde les choses en perspective, c'est intéressant de se dire que du moment où j'ai eu une flûte à bec entre les mains, qu'est-ce qui a fait que, en fin de compte, j'ai débuté la flûte traversière? C'est aussi simple que la vue d'une affiche de la flûte enchantée de Mozart. Thank you. Alors, en fin de compte, de ce coup d'envoi mozartien qui est la clé et qui est le déclenchement vers le monde de la musique classique, si on résume la trajectoire, l'étape suivante, c'est après les années de flûte, la classe d'analyse du Conservatoire de Paris, le melting pot avec tous mes amis, d'ailleurs toujours amis compositeurs, et... une musique peut-être parfois anecdotique, mais qui n'est pas tant que ça, comme celle-ci. Tiens, prends-toi dans le bariton, tiens, prends-toi dans le bariton, prends-toi pas bariton, dis, tiens, prends-toi dans le bariton, tiens, don, t'es sûr, c'est bon, tiens, prends-toi dans le bariton, tiens, prends-toi dans le bariton, prends-toi pas bariton, dis, tiens, prends-toi dans le bariton, tiens, toi, si tu me dis que tu n'aimes pas le bariton, tant donné qu'on nous tous deux quatre le pour dire, pas de boniment, non, pas d'opinion, pas dans le coin. Va donc là-bas, mon gamin, pas dans le coin. Par là-bas, va donc balader, prends tout ton cap, bien ton bignou. Pas toutes les copains, y'a pas que bariton. Parler des balades qu'on joue dans tous les tons. Pas besoin, les gars, de se casser la tête, c'est une question de métier pour les clés, c'est bien évident. Tu jetas du bariton y'a très longtemps, pas un assassin décourageant, je vous dis, les gars, croyez-le, pas de boniment, c'est bien fait pour prendre son pied. Allez-y, on va se faire. Voilà, gaffe à la toi. Voilà, gaffe à la toi. Tout autour de toi. Et tout, tout le temps. Et tant, tant, tant, tant, tant. Écoute, tenir tempo. Allez, les gars, allez, déballez de vos bignous. Vos bignous, pendant ça, je vous donne le ton. Écoutez, écoutez-moi, écoutez mon bariton. Tâchez de me faire bon fond. Allez-y, les gars. Tout autour de toi. C'est pas mal du tout. Et tout, tout. Les gars, travaillez-vous donc. Voilà, nous voilà. Changeons de ton, prends ton bariton, dis. Tiens, prends ton bariton. Prends ton bariton, dis. Tiens, prends ton bariton. Tiens, don. T'es sûr, c'est bon. Tiens, prends ton bariton, dis. Tiens, prends ton bariton. Prends ton bariton, dis. Tiens, prends ton bariton. Alors je vous dis que c'est pas anecdotique, mais évidemment c'est pas anecdotique d'abord parce que c'est une maîtrise instrumentale et vocale, surtout, enfin, je dis instrumentale parce que ici dans ce disque-là, les doubles 6, c'est une vision vocale de la musique instrumentale, c'est-à-dire qu'ils remplacent par leur voix les instruments d'un big band, en fin de compte, et double 6 parce que ce sont 6 voix qui réenregistrent à 12 voix, en fin de compte, et qui permettent d'avoir l'idée d'avoir un orchestre de jazz chanté par 6 chanteurs multipliés par 2, ce qui est quelque chose d'extraordinaire et qui est hautement virtuose dans la qualité de chant qu'il faut avoir et surtout la qualité d'oreille aussi pour chanter des accords aussi complexes. Et je dois dire qu'à ce sujet, le jazz a beaucoup cultivé mon oreille, en tout cas un certain type de jazz, et il y a un autre musicien de jazz que j'affectionne beaucoup, et je ne suis pas le seul parce que c'est un des plus grands virtuoses et un des plus grands pianistes de jazz qui ait existé, il s'agit d'Oscar Peterson. Et ce pianiste savait à la fois maîtriser une immense qualité d'invention de sa main droite, et donc mélodique a priori, et une très grande richesse dans la façon dont il traite l'harmonie de sa main gauche. Et j'ai toujours beaucoup aimé ceci chez Oscar Peterson. Le chef d'orchestre Pascal Roffet présente sa discothèque à la web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo. Thank you. l'aurez compris, dans les goûts et l'envie d'un musicien, il y a une infinie quantité de paramètres. Nous parlions du lyrisme, de l'harmonie, du phrasé, de la richesse dynamique, évidemment. Mais il y a peut-être un paramètre par-dessus tous les autres. C'est la grande richesse de construction. Et il est vrai que les années passées au conservatoire, et notamment en classe d'analyse, m'ont aidé à beaucoup réfléchir et à cet élément-là, qui, à mon avis, est un des plus importants dans la qualité d'un compositeur, c'est de savoir emmener un auditeur, ou en tout cas l'auditeur, d'un endroit à un autre, mais sans jamais rien lâcher de la qualité de son travail intrinsèque. C'est-à-dire que je m'explique par là en disant que un compositeur, et notamment comme Beethoven, que vous allez écouter maintenant, s'impose lui-même des règles du jeu, que sont le langage harmonique, mais qui est aussi le contrepoint. C'est-à-dire, le contrepoint, c'est tout ce qui est la construction des lignes et la superposition et l'enchevêtrement des lignes. Et ce processus de composition est extrêmement astreignant. Et Beethoven ne faisait jamais aucune concession sur ce sujet. Et l'un des exemples les plus flagrants de ce jusqu'au boutisme de Beethoven, qui fait son immense puissance et l'immense maîtrise qu'il a eue en son temps par rapport à la forme musicale et dans sa façon d'éclater et de faire croître la forme musicale, on l'entend parfaitement bien dans son dernier quatuor, dont voici la grande fugue. voyez cette énergie désespérée qu'il y a dans le langage de Beethoven, ce jusqu'au boutisme, il ne lâche rien jusqu'au bout du mouvement. Et il est juste simplement obsédé par sa pensée et par le besoin musical qu'il a, sans aucune autre concession. Et c'est totalement admirable, évidemment. Donc vous comprendrez bien que tout ce qui me passionne dans ma vie de musicien et de chef d'orchestre particulièrement, et dans toutes ces œuvres, dans tous ces chefs-d'œuvre, et évidemment dans tous ceux que je n'ai pas énumérés aujourd'hui, parce que la liste est infinie. Mais il est une œuvre, à la fin du XXe siècle, qui, en quelque sorte, fait la synthèse de ce monde symphonique musical, et notamment du XXe siècle. C'est la Sinfonia de Luciano Berio, et dans le troisième mouvement de la Sinfonia, qui est construit à partir du scherzo de la deuxième symphonie de Mahler, auquel Luciano Berio superpose des extraits de La Mère de Debussy, de Daphnis et Chloé de Ravel, du Sacre du Printemps. Vous avez une sorte de patchwork musical, ou plutôt que de patchwork, une synthèse de tout ce qui s'est passé jusque lui. Et j'aime en cela, d'ailleurs, la démarche de Luciano Berio, où, comme d'ailleurs ce que je pense devrait faire beaucoup de compositeurs, c'est-à-dire qu'il digère tout ce qui s'est passé jusque lui, il a intégré, il a digéré, et il le retranspose à sa façon, avec la fantaisie qu'il caractérisait, et avec la richesse inventive qui est la sienne. Voici donc le scherzo, troisième mouvement de la Sinfonia de Luciano Berio. Vous êtes dans la discothèque du chef d'orchestre Pascal Roffé sur la web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo. This represents at least 1,000 words I was not counting on. I may well be glad of them. But seeing Daphne and Chloe written in red, counting the seconds while nothing has happened but the obsession with... I'm in the air, the walls, everything heals, opens, ebbs, flows. Yes, I feel the moment has come for me to look back. I must not forget this. I've not forgotten it, but I must have said this before, since I say it now. They think I'm alive, not in a room either. Well, so there is an audience. It's a fantastic public performance. And the curtain comes down for the ninth time. You never notice. Even that takes time. that's bombs. If you like. The Earth would have to quake. It isn't Earth. One doesn't know what it is. And maybe a kind of competition on the stage with just 8 female dancers and words falling. I don't know where. Where now? Who now? But now I shall say my old lesson if I can remember it. I must not forget this. I've not forgotten it. But I must have said this before, since I say it now. I prefer that. What? Oh, you know. Or you, well, I suppose the audience. Well, well, so there is an audience. It's a public show. You buy your seat and you wait. Perhaps it's free, a free show. You take your seat and you wait for it to begin. Or perhaps it's compulsory, a compulsory show. Sound of a murmur, you try and hear. Perhaps it's not this at all. Perhaps it's the air, ascending, descending, flowing, eddying, seeking exit, finding none. And the spectators, where are they? You didn't notice in the anguish of waiting. Never noticed you were waiting alone. That's the show for the fools in the palace. Waiting, waiting alone. That's the show. Waiting alone in the restless air for it to begin, while every now and then a familiar passacaglia filters through the other noises, waiting for something to begin, for there to be something else but you, for the power to rise, the courage to leave, picking your way through the cause to come, and seeking the cause, losing it again, seeking no longer. We shall overcome the incessant noise, for as Henri says, as if this noise would stop, there'd be nothing more to say. Try and be reasonable. Perhaps you're blind, probably deaf. The show is over, all is over, but where then is the hand, the helping hand, or merely charitable, or the hired hand? It's a long time coming to take yours and draw you away. That's the show, free, gratis, and for nothing, waiting alone, blind, deaf. You don't know where, you don't know for what, for a hand to come and draw you away somewhere else where perhaps it's worse. Where now? Who do you keep going? When now? Keep going. Yes, what can you expect? They don't know who they are either. Did you hear him? Keep going. Did you hear him? Stop. Stop. Keep going. If only this voice would stop for a second, it would seem long to me. second of silence. I would listen. I'd know if it was going to start again. It's late now and he's still talking incessantly, any old thing, repetition after repetition, talking unceasingly, in yourself, outside yourself. It's late now, she'll never hear again the lowing cattle, the rush of the stream. In a chamber dimensions unknown, I do not move and never get shall again on long road or short. The fact is I trouble no one, but I did. And after each group disintegration, the name of Mayakovsky hangs in the clean air. Face to face, now, here. And they remind us that all this can't stop the wars, can't make the old younger, or lower the price of bread. It can't stop the wars, can't make the old younger, or lower the price of bread. Can't erase solitude and tell the dull tread outside the door. We can only nod, yes, it's true. But no need to remind, to point, for all is with us always, except perhaps at certain moments here among these rows of balconies, in a crowd or out of it, perhaps waiting to enter, watching. And tomorrow we'll read that Berio's Heimwerker made tulips grow in my garden and altered the flow of the ocean currents. We must believe it's true. There must be something else, otherwise it would be quite hopeless. But it is quite hopeless, unquestioning, and it can't go on, it, say it, not knowing what. It's getting late. Where now? When now? I have a present for you. Keep going, page after page, keep going, going on, call that going, call that on, but wait. He's barely moving now, almost still. Should I make my introductions? We have Olive Simpson, first soprano, Jacqueline Barron, second soprano, Sue Bickley, first contralto, Carol Canning, second contralto, Philip Sheffield, first tenor, Ward Swingle, second tenor, Michael Dorr, first bass, and Simon Grant, second bass. But now it's done, it's over, we've had our chance. There is even, for a second, hope of resurrection, or almost. Mein junges Leben hat ein Ende. We must collect our thoughts, for the unexpected is always upon us, in our rooms, in the street, at the door, on a stage. Thank you, Mr. Boulez. Hommage du compositeur au chef d'orchestre, que rêver de mieux? Il ne faudrait quand même pas croire que le monde musical d'un chef d'orchestre soit confiné à la musique symphonique, dynamique et bruyante, mais sous forme de boutade. Mais j'aimerais quand même que nous concluions ce panorama musical par une œuvre d'une intimité extrême, et qui est peut-être l'œuvre, à mes yeux en tout cas, la plus aboutie sur le plan harmonique de Maurice Ravel. Il s'agit des trois poèmes de Mallarmé, pour un effectif instrumental très réduit, puisqu'il s'agit d'un petit ensemble de chambres accompagnant une voix sur ces textes de Mallarmé, qui parfois peuvent paraître abstraits, mais qui sont aussi, comme toujours chez Mallarmé, évidemment de la poésie, mais surtout de la musique. C'est-à-dire que la poésie de Mallarmé, et Ravel et d'autres compositeurs d'ailleurs, comme Boulez ensuite, l'ont très bien compris, est une littérature extrêmement musical et qui prépare à l'écoute musicale et qui fonctionne sur les mêmes processus que le langage musical. Et en cela, les trois poèmes de Mallarmé de Maurice Ravel sont une des œuvres que je préfère de par leur intimité et leur intensité et leur force musicale, sans dynamique, sans intensité apparente, mais d'une puissance de par l'écriture extrême.